Zacharie chapitre 3. Puis l'Éternel me fit voir Jéhosua, le grand sacrificateur, se tenant debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait debout à sa droite, pour le contrarier. Et l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te tense rudement, ô Satan, que l'Éternel, dis-je, qui a élu Jérusalem, te tense rudement. N'est-ce pas ici ce tison qui a été retiré du feu ? Or Jéhosua était vêtu de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange prit la parole, et dit à ceux qui étaient debout devant lui, « Ôtez de dessus lui ses vêtements sales. » Et il dit à Jéhosua, « Regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité, et je t'ai vêtu de nouveaux vêtements. Et je dis, qu'on lui mette une tiarnette sur sa tête. » Et on lui mit sur la tête une tiarnette, puis on le vêtit de vêtements, et l'ange de l'Éternel était présent. Alors l'ange de l'Éternel protesta à Jéhosua, en disant, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et que tu observes ce que je veux qu'il soit observé, tu auras la juridiction de ma maison, et tu garderas mes parvis, et je ferai que tu marcheras parmi ses assistants. Écoute maintenant, Jéhosua, grand sacrificateur, toi, et tes compagnons qui sont assis devant toi, parce que ce sont des gens qu'on tient pour des monstres, certainement voici, je m'en vais faire venir Germe, mon serviteur. Car voici, quant à la pierre que j'ai mise devant Jéhosua, sur cette pierre, qui n'est qu'une, il y a 7 yeux. Voici, je m'en vais graver sa gravure, dit l'Éternel des armées, et j'ôterai en un jour l'iniquité de ce pays. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, chacun de vous appellera son prochain sous la vigne et sous le figuier.